Ce devait être un irremplaçable document pour l'histoire, le procès filmé de Klaus Barbie. Si cette première a tenu en partie ses promesses en jetant un éclairage cru sur l'action de la Gestapo dans la région lyonnaise et les crimes contre l'humanité qui ont été commis, elle n'a toutefois pas permis de dissiper les mystères de la capture de Jean Moulin. Pas plus qu'elle n'a mis en lumière toute l'étendue des rapports entre le nazi et les services secrets américains. Certes, un rapport établi en 1983 par l'avocat Ryan, assistant spécial du ministre de la Justice états-unien, a révélé une partie de la vérité sur le recrutement de Barbie par les services américains et les efforts de ceux-ci pour empêcher le criminel de guerre de répondre de ses actes devant la justice française alors même qu'il connaissait son passé. Une affaire qui a longtemps empoisonné les rapports entre nos deux pays. À tel point que l'avocat Ryan a même recommandé que son gouvernement présente des excuses à la France. Mais ce rapport, aussi précis et même courageux soit-il, ne répond pas à toutes les questions. Il reste en effet à savoir jusqu'où est allée la collaboration entre Barbie et la CIA. Exfiltré en Bolivie à partir de 1951, le boucher de Lyon a en effet mis son savoir-faire si particulier au service des dictateurs boliviens, multipliant les exactions, constituant un escadron de la mort qui a semé la terreur dans le pays, participant au trop fameux plan Condor et s'acoquinant même avec les barons de la drogue. Barbie, était-il en service commandé? Était-il toujours un agent de la CIA? Sur toutes ces questions, Monsieur X propose ses réponses. Sa mort dans une prison lyonnaise en 1989, Klaus Barbie est demeuré un authentique nazi. Oui, c'est-à-dire sans rien renier de ses convictions. Sûrement, et en affirmant, j'étais un soldat. Ah oui, facile ça, donc je n'ai fait qu'obéir. Oui, c'est ça, bien sûr, ça ne tient pas et ça ne justifie pas les crimes de guerre. Et par exemple, la déportation des enfants juifs d'Izieux ou bien les massacres d'otages. Oui. D'où vient Barbie? Vous voulez parler de ses états de service, si j'ose dire? Bah oui, ses origines aussi. Bon, bah, il est né juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, dans la banlieue de Beaune. Son père, comme beaucoup d'autres Allemands de sa génération, a été mobilisé et a même été blessé. Dès la fin de ses études secondaires, le jeune Barbie rejoint les jeunesses hitlériennes. Donc, c'est-à-dire peu de temps après l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. Oui, oui. Et un an plus tard, il s'engage dans les SS et ne tarde pas à être recruté par l'ESD, le service de sécurité des nazis. Puis il est affecté à la Gestapo. Oui, bon, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est donc un flic plus qu'un soldat. Bah, incontestablement. Ouais. Donc, juste avant la guerre, il est tout particulièrement chargé de surveiller les pacifistes et les libéraux dans le secteur de Dortmund. Il doit donner satisfaction à ses maîtres puisqu'il accède au grade de sous-lieutenant. Mmh. Alors, lorsque la guerre arrive? Il est d'abord envoyé pour quelques mois à Amsterdam où il est nommé au bureau de l'émigration juive. Ouais, c'est-à-dire qu'il va prendre sa part dans la déportation des juifs hollandais. Mais il faut rappeler que la Hollande est l'un des pays européens où la communauté juive a été la plus durement frappée. Et effectivement, Barbie va avoir une responsabilité certaine dans les premières déportations. Mmh, ensuite, hein. Bon, après un bref passage en Belgique, il se retrouve en poste à Ajax, à la frontière franco-suisse, puis à Dijon. Et c'est là, semble-t-il, qu'il fait la connaissance d'un certain Kurt Merck, qui est alors officier des services de renseignement de l'armée allemande. Ah, c'est l'abwehr de l'amiral Canaris. Oui, ouais. Et si je mentionne cette rencontre, c'est que ce Merck jouera plus tard un rôle dans la vie de Barbie, pour son malheur. Enfin, nous en reparlerons. La suite, un petit peu plus floue. C'est-à-dire Klaus Barbie aurait été envoyé quelque temps sur le front de l'Est. Là, chez les Einsatzgruppen, des commandos évoluant derrière les lignes allemandes et chargés d'assassiner juifs et communistes par centaines de milliers, il aurait été initié aux techniques d'interrogatoire. Ouais, c'est la torture, vous voulez dire. Bien sûr. Ensuite, il revient en France après l'invasion de la zone libre. Et il se fixe à Lyon. le lieutenant Barbie cumule le poste de chef de la section de renseignement du RSHA, l'office central de sécurité du Reich, dirigé par le sinistre Reinhard Heydrich, et le poste de patron de la Gestapo locale. À ce titre, c'est lui qui organise les premières déportations de juifs lyonnais. Il est en particulier le coordonnateur de la rafle opérée au sein de l'Union générale des juifs de France en février 1943. Et puis il y a aussi la rafle des enfants juifs d'Izieux. Oui, en avril 1944. Une quarantaine de gosses qui avaient, grâce au courage de quelques adultes, échappé jusque-là aux nazis. Il faudra encore parler des massacres perpétrés par les SS après le débarquement des troupes alliées en Provence. Des dizaines de prisonniers extraits de leurs cachots et froidement exécutés. Jusqu'au bout, Barbie s'est acharné. Je crois que le dernier convoi de déportés vers les camps a eu lieu en août 1944. Ouais, près de la fin. Puis il faut parler de l'arrestation de Jean Moulin et du piège de Caluire. Bien sûr, mais enfin, si vous le voulez bien, on y reviendra longuement plus tard. Vers la fin, donc, août 1944, Barbie part dans les fourgons de l'armée allemande qui reflue vers le nord-est. Mais dans un affrontement avec des maquisards dans la banlieue lyonnaise, il est blessé et il doit être rapatrié en Allemagne où on lui remet ses galons de capitaine. Alors là, il reprend un service actif ? Il me semble, en effet, oui. Mais avant même l'effondrement du Troisième Reich, il troque son uniforme d'officier SS contre des habits civils et prend soin de se débarrasser de ses armes. Alors que fait-il ? Une nouvelle fois, on navigue dans le plus grand flou. Ce qui est certain, par contre, c'est que dès le mois de décembre 1944, son nom figure sur la liste établie par la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre. Et on retrouvera aussi son nom quelques mois plus tard sur un autre fichier, le CROSCAS, un fichier des criminels de guerre recensé par le grand quartier général des forces alliées. Le sait-il, lui, qu'il figure sur ces listes ? Oh, très certainement. D'abord parce qu'il ne peut pas se faire beaucoup d'illusions sur le sort qui lui sera réservé. Ensuite parce que Barbie, on le verra plus tard, a peut-être conservé des liens avec quelques-uns de ses informateurs. Alors, dans ces conditions, il doit se cacher, non ? Ah, c'est exact, oui. C'était pas trop difficile, étant donné le désordre qui règne alors dans l'Allemagne vaincue. Il erre donc sous différents noms d'emprunt, prétend, quand on l'interroge, n'avoir été qu'un simple soldat, voyage d'une zone d'occupation à l'autre pour échapper aux recherches et vit de petits vols. Il est aussi aidé, c'est sûr, par d'anciens nazis comme lui qui sont passés à travers les mailles du filet et qui se sont regroupés au sein d'une association clandestine. C'est-à-dire une association d'anciens SS ? Oui, ces gens-là pensent assez naïvement que la population allemande se soulèvera contre les occupants. Le peuple allemand est bien trop épuisé pour songer à une revanche. Alors ces nostalgiques du Troisième Reich se contentent de fabriquer de faux papiers, de faux certificats de démobilisation de la Wehrmacht. Oui, ça marchera pour certains d'entre eux. Oh, c'est certain, oui. D'anciens officiers SS se referont ainsi une virginité et quelques-uns d'entre eux pourront vivre tranquillement sous une autre identité. Toutefois, les plus malins ou les plus revanchards, comme vous voudrez, pensent déjà à toute autre chose. La guerre froide a alors commencé. Et pour ces hommes, le communisme reste l'ennemi numéro un. Alors pourquoi ne mettraient-ils pas au service des anglo-saxons leur expérience, mais aussi leur carnet d'adresses ? C'est-à-dire des adresses Les adresses de ceux qui travaillaient pour eux, collabos, agents doubles, espions, des gens qui sont restés en place et qui ne peuvent pas refuser de donner un coup de main à leurs anciens maîtres. Oui, chantage à la dénonciation. Forcément, oui. C'est ainsi que ces nazis spécialistes du renseignement sont susceptibles de réactiver leur réseau, même au-delà de ce rideau de fer qui est en train de tomber sur l'Europe. C'est très intéressant pour les services occidentaux dont le travail va être presque exclusivement tourné contre l'Est. Ouais. C'est-à-dire l'ancien allié. Oui, mais c'est pourquoi la chasse aux anciens nazis et aux criminels de guerre passe peu à peu au second plan. Qu'on va engager des types comme Barbie. Alors. Bien sûr. J'ajoute quand même que certains de ces prétendus spécialistes ont parfois abusé leurs employeurs. Ah, ce qui signifie, hein ? Ils ont inventé des réseaux qui n'existaient pas et donc fourni des informations qu'ils ont purement et simplement inventées. Ça n'a pas fait illusion trop longtemps, mais au moins pendant tous ces mois ou même toutes ces années où ils ont apporté de fausses informations au service de l'Ouest, on les a laissés tranquilles et ils ont été grassement payés. Est-ce que ça a été le cas de Barbie ? Difficile à dire. Selon certains des officiers qui l'ont employé, Barbie était une source d'informations très précieuse. Pour d'autres, c'était un type qui pensait surtout à gagner le maximum d'argent et qui en demandait toujours plus. Alors qu'il n'était pas fiable. Oui. Et puis au fond, peu importe. L'essentiel, c'est que Barbie, authentique criminel de guerre, a pu réussir à travailler pour les Américains. Et en particulier sans que jamais on ne lui reproche son passé. Et surtout, en refusant systématiquement de le livrer aux autorités françaises qui l'ont condamné à mort par contumace. Ça veut quand même dire que les services américains avaient de bien bonnes raisons pour continuer à l'employer. Ça me paraît évident, oui. Ouais. Ce qui contredit ce que vous m'avez dit précédemment sur le degré de fiabilité de Barbie. Ah non, non, c'est pas forcément contradictoire. Je vous explique. On engage un type qui affirme pouvoir vous fournir d'excellentes informations. Il en donne assez rapidement la preuve. C'est seulement après que ça peut poser des problèmes. Il faut m'expliquer, là. Ensuite, si ses sources d'informations se tarissent, ou s'il n'a plus de contact avec ses anciens agents, cet individu peut être tenté d'inventer. Oui, mais s'il est convaincu de mensonge, on peut le virer, non ? Pas si facile que ça. Car notre homme connaît maintenant parfaitement le fonctionnement des services et les objectifs qu'il poursuivent. Et il devient dangereux de le lâcher dans la nature. Attendez, parce qu'il pourrait les raconter à l'extérieur tout ce qu'il sait ? Exactement. Alors, vous voyez, c'est une sorte de piège. Un morceau de sparadrap dont on ne peut plus se débarrasser. Je vois que vous avez lu Tintin. Hein. Mais naturellement, je n'ai pas encore tout à fait 77 ans, mais il y a bien longtemps qu'il ait dépassé mes 7 ans. Non, soyons sérieux, surtout dans une affaire aussi grave. Ce que je viens de vous expliquer signifie que lorsque Barbie est approché par les Américains, il leur fournit d'emblée une information de première importance. Rémy Koffer, professeur à l'Institut français d'études politiques, est l'un de nos meilleurs spécialistes du renseignement. En 2003, il a consacré un article à Klaus Barbie dans la revue Historia. J'en extrais ces quelques lignes. Entre son arrivée à Lyon à la fin 1942 et sa fuite précipitée devant les armées alliées à l'été 44, c'est lui qui avait été le chasseur. 20 mois de battues, de courses-poursuites, de pièges, de traques. Ah, l'enivrante sensation de surprendre son gibier au bercail, le plaisir de lire l'angoisse sur leurs visages, leurs lèvres tremblantes, leurs genoux flagellants. Parce que lui, l'Obersturmführer SS matricule 272-284, spécimen éminent de la race des seigneurs, ne craignait ni Dieu ni diable. Par bravade, on le voyait souvent parcourir les rues lyonnaises flanquées de 3 ou 4 hommes, pas plus. Quand l'envie le prenait, c'est seul, et en civil, qu'il quittait à pied son quartier général de l'hôtel Terminus, puis de l'école de santé, pour aller déjeuner dans un des restaurants du voisinage. Et plus loin, Koffer poursuit. Brutal, sadique, dénué de tout scrupule, c'était Klaus Barbie tel qu'en lui-même, un pur produit du fanatisme idéologique nazi, avec son cortège de racisme, de mépris envers les êtres inférieurs. Encore qu'on puisse imaginer une explication moins glorieuse à ce comportement, la crainte d'une mutation toujours possible pour manque de zèle sur le front russe. C'est qu'elle avait ses charmes, la vieille cité rhodanienne. Ces messieurs de la SS pouvaient s'y offrir de bons dîners, aux grillons, aux glaces, aux balbos, aux lapins blancs, s'enivrer de vin fin et s'amuser avec des françaises amies, telle cette soi-disant mademoiselle Odette, dont il avait fait sa maîtresse attitrée et qui se prénommait en réalité Antoinette. Avant de voir plus précisément quelle est la nature de l'information que Barbie va proposer aux services américains, voyons d'abord de plus près comment s'est opéré son recrutement. Allez-y. En 1946, le bourreau de Lyon est identifié par un agent double infiltré dans cette organisation d'anciens nazis dont je vous ai parlé. Alors, il est arrêté? Oui, par les Anglais. Une expérience dont il gardera un très très mauvais souvenir. Et pourquoi? Je pense que les Anglais n'ont sans doute pas été très tendres avec ce personnage sulfureux. Ouais, bref, ils l'ont un peu malmené. Ouais, c'est ce que je crois. Toutefois, alors que selon toute vraisemblance, Barbie aurait dû être remis aux Français, il parvient à s'évader et replonge aussitôt dans la clandestinité. Quelques mois plus tard, il est approché par un agent britannique qui lui propose de travailler pour lui. Attendez, cet agent sait qui est Barbie ? Oui, ça veut dire que les services britanniques ne sont pas beaucoup plus scrupuleux que leurs homologues américains, dès qu'il s'agit de lutter contre le communisme. Maintenant, Barbie, qui, je vous l'ai dit, a gardé un souvenir amer de son passage chez les Anglais, refuse la proposition qui lui est faite et rompt aussitôt avec cet agent britannique. Il a peut-être peur de tomber dans un piège. C'est très possible. Quoi qu'il en soit, il reprend sa vie d'errance et de clandestinité. Et au début de l'année 1947, il échappe de très peu à une nouvelle arrestation. Dans quelles conditions ? Les autorités d'occupation veulent en finir avec les organisations d'anciens nazis. Et il lance une grande rafle. Barbie s'échappe en sautant par une fenêtre. Ouais. Il a décidément beaucoup de chance. N'est-ce pas ? Et bientôt, il va bénéficier d'un autre coup de chance. Peu après, il rencontre dans une gare ce Kurt Merck dont je vous ai parlé. C'est-à-dire cet officier de l'Abwehr qu'il a connu à Dijon, c'est oui, ça, avec lequel il a travaillé à démanteler les réseaux de résistants. Merck et Barbie discutent, et l'ancien officier de l'Abwehr finit par dire qu'il travaille désormais pour les Américains. Ouais. Les services de renseignement américains. En effet, oui. Au fait, cette rencontre est-elle seulement le fruit du hasard ? Vous savez combien je crois peu au hasard. Oui. Enfin, dans ce cas précis, je ne peux rien dire de plus. Merck, qui connaît bien son Barbie, ne tarde pas à lui proposer de rejoindre son réseau. Pardonnez-moi alors de vous reposer une nouvelle fois cette question, mais Merck, lui, sait-il que Barbie est un criminel de guerre recherché en tant que tel ? Ça me paraît évident, même s'il ne connaît pas tous les détails de l'abominable carrière de Barbie. Deuxième question, en faisant cette proposition à Barbie, a-t-il l'aval de ses employeurs américains ? Pas encore, non. Mais il ne tarde pas à en informer son agent traitant, un certain Tyler. Soyez un peu plus précis, là. Ce service américain, c'est quoi exactement ? Le CIC, le Counter Intelligence Corps, c'est-à-dire le service de contre-espionnage de l'armée états-unienne. Et que fait là ce CIC en Allemagne ? Attendez, avant d'aller plus loin, je dois vous dire qu'un service secret peut en cacher un autre. Oui, c'est un peu obscur tout ça. Pas tant que ça. En réalité, un organisme plus discret, plus secret, coiffe certaines des activités du CIC. C'est l'OPC, autrement dit Office of Policy Coordination. Ce service secret est placé sous l'autorité d'un certain Frank Wisner, l'un des grands sorciers de la future CIA, un ancien de l'OSS. Un dur, farouchement anticommuniste, et qui sera le véritable créateur des réseaux gladiaux dont je vous ai souvent parlé. Mais quels sont les rapports entre ces deux services de renseignement-là ? Bizarre. Beaucoup d'agents du CIC ignorent par exemple qu'ils travaillent en fait pour l'OPC de Wisner. Et parfois, les deux organismes entreront en conflit. Des rivaux, quoi. Oui. Ouais. En tout cas, les objectifs de l'OPC, et donc ceux des agents du CIC qui en font partie malgré eux, sont clairs. C'est à eux que seront confiées les missions les plus délicates et même les actions anticommunistes musclées. Et sur le plan du renseignement pur, il leur faut d'abord pénétrer la zone soviétique d'occupation. L'Allemagne. Bien sûr. Ensuite, ces agents doivent noyauter le parti communiste bavarois. Et enfin, et ce n'est pas le moins étonnant, il est question d'infiltrer les services secrets français présents en Allemagne occidentale. Une action menée donc contre un service allié, en principe en tout cas. Effectivement, ces ultras du renseignement sont persuadés que nos services sont noyautés par les soviétiques. À cause du poids du Parti communiste en France ? Et de la participation de ministres communistes au premier gouvernement de la 4e République. Ça ne durera pas longtemps. Donc pour les Américains, il est indispensable de surveiller et d'espionner les services français en Allemagne, ceux qui sont le plus susceptibles d'être infiltrés. À cause de la partition de Berlin, par exemple. Et donc, de la coexistence géographique avec les soviétiques. Ouais. Alors, l'intérêt de Barbie pour ces Américains? Qu'est-ce que c'est? Bah, Barbie est d'abord l'homme qui a arrêté Jean Moulin. Ah, c'est une référence. Eh ben oui, aussi choquant que cela apparaisse, Moulin qui, pour Barbie, mais les agents de l'OPC ne sont pas loin de le croire, était un homme très proche des communistes. Barbie ira même jusqu'à prétendre que s'il avait vécu, Moulin se serait débarrassé du général de Gaulle. C'est complètement absurde. Je suis d'accord avec vous. Mais remarquez bien que cette question de l'inféodation de Moulin au Parti communiste et même au KGB reviendra très souvent sur le tapis. Et il n'y a pas encore si longtemps. Et vous, vous n'y croyez pas? Absolument pas. Mmh. Certes, Moulin était un homme de gauche, qui avait de nombreux amis qui avaient appartenu au gouvernement de Front Populaire. Toutefois, en faire un agent du KGB, non. Non, non, c'est de la calomnie. Et ce n'est pas tout à fait innocent. Mais encore une fois, nous en parlerons un peu plus tard dans la suite de notre entretien. D'accord, je note. Hein. Ouais. Mais vous avez dit qu'en approchant les Américains, Barbie leur avait fourni une information de première importance. Hein. Mm-hmm. Alors, c'était ça les circonstances de l'arrestation de Jean Moulin ou les secrets qu'elle dissimulait? Non, non, il s'agissait d'une douloureuse affaire que j'ai évoquée ici même il y a quelques années. L'affaire Boulanger. Du nom de code de cet agent double. Ouais, je me souviens des faits de cette histoire dans les grandes lignes. Hein. Enfin, ça mérite peut-être quelques précisions. Non, volontiers. Mais je résume à grands traits. Hein. Boulanger, continuons de l'appeler ainsi, était un franco-allemand membre de l'appareil clandestin du Comintern. Ouais, l'organisation internationale communiste clandestine. Voilà, hein, c'est ça. Donc ce type avait été arrêté par la Gestapo lors de l'occupation de l'Alsace par l'armée allemande. Et les nazis, qui connaissaient bien son pédigré, l'ont retourné et l'ont relâché dans la nature. Pourquoi? Afin qu'il trahisse les siens? Évidemment. Mm-hmm. Pour les Allemands, avoir un homme à eux au sein de l'appareil clandestin du communisme international, ce n'était pas rien. Et la suite a semblé leur donner raison. Ah, il a dit « sembler ». Sembler seulement? Oui, même si, grâce à cette affaire, Barbie a pu, de son point de vue, bien sûr, opérer une de ses rafles les plus fructueuses. Avant d'écouter la suite de l'histoire de ce mystérieux boulanger, un mot sur un homme qui a joué un rôle décisif dans le destin de Klaus Barbie, Kurt Merck. Son ancien officier traitant, l'américain d'origine allemande Erhard Dambringhaus, en parle ainsi. L'âme même du réseau était indubitablement Merck. Il avait engagé tout le monde, y compris Barbie, et le nom de code de l'organisation était celui de son pseudonyme, Walter Bureau Petersen. Au demeurant, les services secrets américains avaient pris la sage précaution de ne mettre à la tête de leur réseau de correspondants que des non-SS, n'ayant pas commis de crimes de guerre, ce qui leur permettait en plus de garder la conscience tranquille, libre à ces hommes propres et de bonne réputation, s'ils le voulaient, de recruter ensuite des criminels. C'était leur affaire, et l'honneur des Américains demeurait sauf. Il faut dire que le comportement de Merck semblait toujours correct, même lorsqu'il faisait des choses répréhensibles. Ses succès dans le contre-espionnage allemand étaient toujours dus à son intelligence et à sa finesse, contrairement à ceux de Barbie, extorqués habituellement par la violence et la torture. Les mémoires de Dambringhaus ont été publiées en France aux éditions Pygmalion. En raison de ses fonctions au sein du Comintern, et certainement sur ordre de Moscou, Boulanger est affecté à l'état-major des francs-tireurs et partisans de la zone sud, implantée à Lyon. Or, en mai 1944, donc peu de temps avant la libération de la France, la Gestapo décapite la tête de ces FTP de la zone sud. Il y a très peu de rescapés. Et parmi lesquels Boulanger. Oui, Boulanger qui a miraculeusement échappé à l'arrestation. Et qui est immédiatement soupçonné par ses camarades. Bah forcément, ouais. Car il est évident qu'il y a eu trahison et que les hommes de Barbie ont agi en toute connaissance de cause. Et la suite est encore plus troublante. Après cette rafle, Boulanger disparaît. Il ne reprend pas contact avec la résistance? Non. Et quand? Longtemps après, en 1946, je crois, sous la pression des survivants du réseau, le Parti communiste se décide enfin à enquêter sur cette étrange affaire. Boulanger est retrouvé. Mmh. Il est alors, écoutez bien, sous-officier dans les troupes françaises d'occupation en Allemagne. Et il est en même temps agent auxiliaire de la Sûreté. La Sûreté, la police française. Oui. Ouais. Vous avez dit sous la pression des survivants. Est-ce que ça veut dire que la direction du PCF, enfin, n'avait pas très envie que l'on retrouve Boulanger, qu'on l'interroge? Bah, je le pense, en effet. Et tous les militants communistes qui s'intéresseront à cette affaire le paieront cher. Ils seront virés du parti et l'un d'eux sera même victime d'un curieux accident d'automobile. Et un autre sera dénoncé comme espion. Alors, on ne tenait pas à ce que la vérité éclate? C'est certain. Et c'est la clé de cette histoire. Boulanger Agent communiste retourné n'a en effet jamais cessé d'obéir à Moscou, et c'est sur ordre qu'il a trahi ses camarades FTP. Ouais, sur ordre, c'est-à-dire ? Bah, sur ordre de Staline. Ça s'explique. Même si c'est parfaitement cynique et immoral, le maître du Kremlin sait très bien que le partage de l'Europe se fera en fonction des avancées militaires des uns et des autres. Or, il a peur que l'insurrection programmée par les FTP, en portant des coups très durs à l'armée allemande, ne permette aux troupes alliées de progresser trop vite sur le front ouest. Ah oui. Alors par conséquent, pour faire échec aux FTP, il est trahi. Je le crois, oui. Ces FTP de la zone sud, qui étaient particulièrement bien implantés et prêts à passer à l'action dès l'annonce du débarquement allié. C'est épouvantable. Hein. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Alors, si vous voulez bien, revenons à Paris. Oui, oui. Il est très probable que le gestapiste avait percé une partie de la vérité. Et lorsqu'il a été question pour lui de travailler pour les services américains, il leur a sans doute raconté cette histoire qui a dû les intéresser au plus haut point. Une sorte de cadeau d'entrée. On peut le penser. Autre point intéressant, là, ce boulanger, avez-vous dit, se trouvait en Allemagne après-guerre. Est-ce qu'on peut imaginer que Barbie a repris contact avec lui ? Et pourquoi pas ? Et il aurait fait partie de ces informateurs de Barbie dont vous avez parlé, là ? C'est possible. Et le traître boulanger pouvait difficilement refuser aux nazis de lui donner quelques tuyaux sur l'activité des Français en Allemagne occupée. Eh bien, un mot aussi sur ce qu'est devenu ce boulanger. Volontiers. Il finit par être arrêté et transféré en France. Accusé de trahison, il adopte un curieux système de défense en se proclamant citoyen allemand. Mais on a dit qu'il était en effet franco-allemand. Hein. Par conséquent, il a soutenu qu'en trahissant les FTP, il n'avait fait que rendre service à sa patrie d'origine. Et ça a marché, ça ? Bon, il faut simplement observer que la peine à laquelle il a été condamné a été relativement légère, eu égard à la gravité de ses actes. Il ne faut pas oublier que beaucoup des membres de son réseau sont morts en déportation. Et quand il a été libéré, il est reparti en Allemagne. Et là, une fois de plus, il a disparu. Et à votre avis, où est-il allé ? Bon, je suis persuadé qu'il est passé en RDA. Ouais, l'Allemagne de l'Est. Ouais. Oui, ce qui est une nouvelle preuve de son allégeance au service de l'Est. Les dirigeants communistes n'auraient pas accordé l'hospitalité à un agent nazi. Ouais. Fermons donc cette longue parenthèse et revenons au recrutement de Barbie par les Américains. Bah, grâce à son ami Merck. C'est ça. Bon. En dehors même des informations qu'il offre à ses futurs employeurs du CIC, le Counter-Intelligence Corps, qui sert parfois de faunet à cette machine de guerre anticommuniste, l'OPC, Barbie fait d'emblée une excellente impression. Ah oui. À tel point que son premier officier traitant, Robert Taylor, le décrit dans un rapport comme un homme honnête, à la fois intellectuellement et personnellement. Pourtant, ce Taylor sait que c'est un nazi recherché par les autorités françaises et fiché comme criminel de guerre. Sans aucun doute. Mais toujours dans ce même rapport, Taylor, qui se félicite d'avoir affaire à un anticommuniste résolu, écrit que Barbie est un nazi idéaliste dont les idées ont été trahies par les hitlériens au pouvoir. Mais ce type est un naïf ou c'est un menteur ? Bah, écoutez, c'est un Américain. Enfin, franchement, je n'en sais rien. Non. En tout cas, il déclare aussitôt à son nouvel agent que son recrutement par le CIC le met désormais à l'abri des poursuites qui pourraient être engagées contre lui. Ah ouais. D'un jour à l'autre, Barbie n'est plus un clandestin, c'est et ça ? Et il n'a plus besoin d'utiliser des noms d'emprunt pour dissimuler sa véritable identité. Et en quoi consiste son travail ? Grâce à son passé en France, il est chargé, au sein du réseau de Merck, d'espionner les agents français présents en Allemagne. Des Français, m'avez-vous dit, soupçonnés par les Américains d'être noyautés par les Soviétiques, c'est ça ? Et pour accomplir cette besogne, Barbie utilise d'anciens SS passés au service de nos compatriotes. Ah, ce qui signifie aussi que les agents français n'ont éprouvé aucun scrupule à employer d'anciens nazis. Bah, c'est évident, même si, à ma connaissance, nous n'avons pas recruté des criminels de guerre aussi compromis Barbie. Ce dernier alors peut alors estimer en avoir fini avec son terrible passé. Ah oui, mais il redoute toujours les Français qui vont à plusieurs reprises demander aux Américains de le leur livrer et qui peuvent, pourquoi pas, essayer de l'enlever. Parce qu'à Paris, on sait pertinemment que Barbie est passé au service des Américains. Oui, mais ceux-ci font la sourde oreille ou mentent tout simplement en affirmant qu'ils ne savent pas où se trouve Barbie. Toutefois, le danger peut aussi venir de ses services qui l'emploient. Expliquez là. Ce Taylor a avalé content les confidences de Barbie sur ses activités en France. Oui, afin de le croire. Quoi. C'est possible. Il en sera de même pour son successeur. Mais les demandes répétées des Français commencent à mettre la puce à l'oreille à quelques-uns des officiers du CIC. Ces militaires demandent donc à l'interroger. Mais ça n'ira pas très loin. Étant donné les excellents résultats obtenus par Barbie, il est décidé de lui fiche la paix. Trop précieux. Oui, plus étonnant encore. Les Américains permettent à des enquêteurs français de venir l'interroger à condition que la France renonce à demander son extradition. Mmh. Ah, les Américains reconnaissent donc maintenant qu'ils emploient Barbie. C'est exact. Mmh. Alors cet interrogatoire, il ne porte que sur l'arrestation de Jean Moulin. Enfin, si vous voulez bien, on en reparlera un petit peu plus tard. Et il est absolument interdit aux policiers français d'interroger Barbie sur ses activités après la guerre. Ben, ça se comprend. Les Américains ne veulent pas que les Français apprennent qu'ils font l'objet de manœuvre d'espionnage de la part de leurs alliés. En effet. Toutefois, malgré la protection dont jouit Barbie, les choses commencent à se gâter pour lui. En France, la presse commence à s'intéresser de plus en plus à lui. Des témoignages de résistants lyonnais victimes de ses exactions sont publiés. Et on demande à nouveau son extradition. Ce que refusent toujours les Américains, qui vont d'ailleurs bientôt déclarer qu'ils ont perdu purement et simplement sa trace. Encore un mensonge ? Autre souci pour lui. L'attitude de son ami Kurt Merck. Au fil du temps, les relations entre les deux hommes se distendent. Barbie tire la couverture à lui et s'attribue tous les succès obtenus par le réseau. Alors un jour, Merck va trouver son officier traitant, un certain Dabrin Haus, et lui révèle tout ce qu'il sait du passé criminel de Barbie. Des renseignements qu'il a obtenus de la bouche même de Barbie. Réaction ? L'homme qui est honnête tombe des nues. Et ce Dabrin Haus n'a rien de plus pressé que d'alerter ses supérieurs au quartier général de Munich. Dès lors, il est persuadé que Barbie va être arrêté et sans doute remis aux autorités françaises. Mais sa grande surprise, rien ne se passe comme il l'avait prévu. Bien au contraire, on lui demande de continuer à travailler avec Barbie et de taire ce qu'il a appris. Mieux, on lui ordonne de mentir si jamais les Français lui demandent où se trouve Klaus Barbie. Ce qu'il fera ? Évidemment, ce brave homme est d'abord un militaire. Ça veut dire en tout cas que les Américains ne peuvent plus prétendre qu'ils ignoraient qui était réellement Barbie, hein. Parce que j'imagine que ces informations étaient sans doute parvenues au plus haut niveau. Absolument. Et bientôt, les Américains vont se rendre compte que la présence de ce Barbie devient de plus en plus embarrassante. C'est alors à la fin de l'année 50 qu'on va envisager de l'exfiltrer. Oui, vers l'Amérique du Sud. Oui, en empruntant la célèbre Ratline. La route des rats. Qui avait déjà été empruntée par des centaines d'anciens nazis. Un dernier mot sur ce Merck. Merck qui a trahi Barbie. Hein. Ah, on peut voir les choses comme ça. Merck qui représentait désormais un grand danger pour son ancien ami Barbie. Eh bien, ce Merck est mort peu après dans des circonstances très curieuses. Allez, racontez-moi. Officiellement, cet homme d'une trentaine d'années est mort d'un arrêt cardiaque à la suite d'une piqûre de guêpe. Mais des témoins affirment, eux, qu'il avait un petit trou bleu foncé derrière une oreille. Exactement la trace que laisse une munition de petit calibre. C'est Barbie qui l'a assassiné ? Pas directement, non. Barbie était déjà à l'abri en Amérique du Sud, mais il n'a sans doute eu aucun mal pour trouver un homme de main capable d'exécuter ce contrat. l'a appelée la Red Line, la filière des rats. Oui, les rats nazis. Et ceux qui ont collaboré avec le Troisième Reich. Il faut noter que ces réseaux d'évasion ont été mis en place très tôt après la fin de la guerre. Parce qu'il y a eu plusieurs réseaux. Au moins deux, oui. Mmh. Ce qui est troublant, c'est que dans les deux cas, les services secrets américains ont été impliqués, mais aussi l'Église catholique. Mmh. Ça n'a pu se faire évidemment qu'avec la complicité des autorités des pays d'accueil. C'est-à-dire les États sud-américains, essentiellement. Ouais. Vous savez aussi que d'anciens nazis ont trouvé refuge dans les pays arabes, sans doute par le biais d'autres filières. Mais revenons à cette affaire Hotline. Cette filière est née de la guerre froide. Au départ, en effet, il s'agit d'aider des transfuges des pays de l'Est à échapper aux sbires du KGB. Oui, des agents. Souvent, oui. Mmh. Des hommes dont on se dit qu'ils pourront plus tard rendre de grands services dans la lutte contre le communisme. Le problème, c'est que pas mal d'entre eux fuient surtout parce qu'ils ont collaboré avec les nazis. Les Allemands ont beaucoup recruté dans les pays qu'ils ont occupés. Pays baltes, Croatie, Biélorussie, mmh. etc. Et parmi eux se trouvent donc des criminels de guerre. Bah, forcément. Mmh. Et c'est la première ambiguïté de la création de la Hotline. Bientôt, il ne s'agira plus d'exfiltrer des agents en danger, mais d'aider simplement des nazis à fuir la justice. Mais concrètement, comment ça se passe ? La route retenue est celle-ci. D'Autriche, les fuyards sont conduits à Rome. Là, ils sont pris en charge, habillés, hébergés et munis de faux documents d'identité. Puis ils sont conduits dans un port, Gênes ou Naples, et ils embarquent à bord d'un paquebot à destination de l'Amérique du Sud. Ça nécessite donc une solide organisation. Ah, surtout quand on pense que ce sont des milliers de fuyards qui vont bénéficier de cette filière d'évasion. Alors, qui sont les cerveaux de ces réseaux ? Il y a d'abord des officiers du CIC, ce service de contre-espionnage de l'armée américaine. Le CIC qui finance l'opération. Et puis ensuite, on trouve des ecclésiastiques. Parmi eux, deux personnages se détachent. Le premier s'appelle Alois Udall. Ah, dites-moi, qui c'est ? C'est un évêque d'origine autrichienne, détaché à Rome et qui n'a jamais fait mystère de ses sympathies pour le nazisme. Udall est très bien introduit au Vatican. On le dit même proche du pape Pie XII. Enfin, ça, ce ne sont peut-être que des ragots. Et du sous-secrétaire d'État, le cardinal Montini. Le futur Paul VI. C'est exact. Est-ce que ça veut dire que ces deux chefs de l'Église ont été complices ? Non. Non, je n'irai jamais jusque-là, mais c'est la deuxième ambiguïté de cette affaire. Udall a très bien pu présenter son action comme purement caritative. N'est-ce pas le devoir de l'Église de venir en aide aux réfugiés ou aux fuyards ? Peut-être, enfin, lorsqu'il s'agit de criminels de guerre... C'est pourquoi je parle d'ambiguïté. En tout cas, effectivement, l'évêque Udall a organisé son réseau en utilisant les couvents et les mouvements caritatifs de l'Église catholique. Rappelez-vous que c'est grâce à ces structures que chez nous, l'ancien milicien Paul Touvier a si longtemps pu échapper à la justice. Il faut ajouter que Udall a aussi bénéficié de complicité au sein même de l'État italien. Quoi, les démocrates chrétiens ? Pas seulement. Dans les services secrets du jeune État italien se sont glissés des hommes d'extrême droite qui avaient précédemment servi Mussolini. Oui, en effet. Mais vous avez parlé d'un deuxième personnage appartenant à l'Église. Oui. Un type pas très recommandable, c'est le moins qu'on puisse dire. Songez que les services américains l'ont surnommé le prêtre sanglant. En effet. Non. Il s'appelait Krunoslav Draganovic, et c'était un franciscain. Mais il portait bien plus souvent l'uniforme des Oustachis. Oui, ces croates extrémistes qui ont pactisé avec Hitler contre les Serbes. C'est cela, oui. Une organisation fasciste dirigée par le Führer croate Ante Pavelic. Pendant la guerre, où les Oustachis ont exterminé des dizaines de milliers de Serbes et quelques autres milliers de Juifs, la spécialité de ce Draganovic consistait à convertir de force les orthodoxes. Et si ces derniers refusaient, ça se terminait pour eux, comme vous pouvez l'imaginer. Par la mort ? Généralement, oui. Ou l'envoi dans un camp, enfin. Ensuite, toujours pendant la guerre, ce très curieux ecclésiastique est envoyé à Rome. Il doit représenter au Vatican son chef. Ante Pavelic. Oui, donc, c'est et c'est assez bien vu, oui. Car après la guerre, cet émule d'Hitler trouvera justement asile au Vatican, où on le considère comme un militant du catholicisme. Et c'est Draganovic là, qui a préparé cet asile pour Pavelic. C'est ainsi que Pavelic, recherché dans son pays et ailleurs pour crimes de guerre, échappera à toutes les poursuites et pourra ensuite bénéficier des services de la Hotline. Ouais, il va trouver lui aussi refuge en Amérique du Sud. Exactement. Plus tard, il a été accueilli par l'Espagne franquiste, où il est tranquillement mort dans son lit. Enfin, pardonnez-moi cette parenthèse et revenons à la Hotline. Draganovic en est donc la cheville ouvrière et il travaille en étroite collaboration avec les Américains, mais aussi avec la Croix-Rouge internationale. C'est insensé quand même. Peut-être, mais Draganovic n'est-il pas un ecclésiastique bien en cours au Vatican et de surplus directeur d'un séminaire ouvert aux jeunes croates ? C'est quand même très pratique, un séminaire. On peut aisément y cacher des fuyards et un tel établissement est généralement à l'abri des tracasseries policières. C'est donc cette filière que vont emprunter Barbie. Hein. Barbie et sa famille, oui. Et c'est Draganovitch en personne qui s'occupe du boucher de Lyon et lui procure par l'intermédiaire des Américains des papiers établis au nom de Klaus Altmann. Oui, le nom sous lequel il va désormais vivre en Amérique du Sud. Oui, Draganovitch s'est aussi entremis pour faire obtenir au Barbie des sauf-conduits et des visas d'immigrants pour l'Argentine. Un dernier mot, si vous voulez bien, sur Draganovitch, et puis on en parlera plus après. Hein. À la fin des années 50, la Ratline, étant désormais devenue inutile, l'ecclésiastique devient purement et simplement un agent des services américains. Et quel travail lui assigne-t-on ? Il est chargé d'animer un réseau d'informateurs sur la Yougoslavie. Mais assez rapidement, ses employeurs s'aperçoivent que Draganovitch ne fournit que des informations qu'il est allé directement puiser dans les dossiers des services italiens. C'est plus simple. Enfin, ça veut dire qu'il avait d'excellentes relations avec ses services. Bien sûr. Draganovitch est alors débarqué par les Américains et quelque temps plus tard, curieusement, on le retrouve à Belgrade. Bah, chez Tito. Où il est pourtant considéré comme un criminel de guerre. Alors, conclusion ? Eh bien, il n'est pas interdit de penser que Draganovitch était en réalité un agent double. Après tout, pour un service de renseignement de l'Est, il était très intéressant de connaître les petits secrets de la Red Line. Ah oui, en effet. Alors Klaus Barbie, devenu Klaus Altmann, débarque donc en Argentine. En avril 1951. Mais malgré la présence d'une très importante colonie allemande, les Barbie ne s'attarderont pas en Argentine et prennent rapidement la route de la Bolivie. Ils sont attendus là-bas ? Sans aucun doute. Tout a été prévu. En Bolivie, il faut le souligner, la communauté allemande est là aussi très importante. Et parmi elles, il y a beaucoup d'anciens nazis, plusieurs centaines. Ils vivent dans des colonies, de véritables camps retranchés et disposent de nombreuses armes, dont des mitrailleuses. En effet, ouais. En fait, ces admirateurs du Troisième Reich ont peu à peu tissé une véritable toile d'araignée sur l'Amérique du Sud. Et dans quel but, selon vous ? Le premier objectif, c'est naturellement de se protéger les uns les autres et d'échapper aux chasseurs de nazis. Et le deuxième objectif est plus politique. Ces nostalgiques ne désespèrent pas de restaurer un jour le nazisme. Ou en Allemagne ? Peut-être, mais c'est d'abord à l'Amérique du Sud qu'ils pensent. Faut souligner qu'on trouvera d'anciens nazis derrière la plupart des dictateurs de la région, dont Barbie, bien entendu. Mmh. En outre, à l'occasion, ces hommes ne dédaignent pas de s'enrichir en s'abouchant avec les trafiquants de drogue. Mmh. Alors, bon, Barbie lui-même, là, que devient-il tout de suite après son arrivée en Bolivie ? Il faut d'abord se faire oublier. Oui. Donc, très vite, Altmann, puisque c'est maintenant son nom, est pris en charge. Et ses amis allemands l'aident à monter une scierie qui l'installe en pleine montagne. Ah, en pleine montagne, ça veut dire à l'abri des regards. C'est le but. Enfin, c'est un faux semblant. Car non seulement Barbie Altmann n'a pas coupé les ponts avec les nazis, mais je suis persuadé que ses anciens employeurs états-uniens ne l'ont pas oublié non plus et qu'ils le réactiveront lorsque le besoin s'en fera sentir. L'Argentine a joué un rôle clé dans la mise en place de la Ratline. Et la récente déclassification des archives de ce pays a mis en lumière ce réseau de complicité. Voici par exemple ce que je lis dans Le Monde du 15 août 2003. Le sombre rôle joué par l'Argentine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'accueil massif de nazis et autres criminels de guerre européens, grâce au soutien du général Juan Domingo Perón, est à nouveau sur la sellette à Buenos Aires. L'ouverture des archives de la Direction nationale de migration, qui a été ordonnée à la mi-juillet par le président Nestor Kirchner, a révélé que 7250 fascistes croates sont arrivés en Argentine à partir de 1946, dont 15 grands criminels de guerre, parmi eux Ivo Heinrich, conseiller financier d'Ante Pavelic, ancien chef de l'État oustachi pro-hitlérien, et Friedrich Kausch, qui était en fait un colonel SS chargé par Hitler de retirer l'or de la Banque centrale de Berlin et de l'enterrer dans les montagnes de Bavière. Tous ces immigrants s'étaient vus délivrer des passeports de la Croix-Rouge par l'intermédiaire du Vatican. Dans son édition du 27 juillet, le quotidien de gauche, pagina 12, consacre deux pages aux deux premiers dossiers qui ont été rendus publics et qui démontrent le rôle actif joué par l'Église catholique pour donner refuge aux anciens nazis, parmi lesquels Adolf Eichmann, Joseph Mengele et Klaus Barbie. Vous savez, parce que nous en avons parlé souvent, que Washington a toujours eu l'œil sur l'Amérique latine. Ouais, les Américains n'ont jamais hésité à intervenir directement dans la politique des pays de la région. Oh, c'est une évidence. Ouais. Alors, intéressons-nous plus particulièrement au sort de la Bolivie, la nouvelle patrie de Barbie. Parce qu'il a acquis la nationalité bolivienne ? Oui, sous son nom d'emprunt, Altman. Étrangement, il va bénéficier d'un passeport diplomatique, ce qui lui permettra de voyager sans difficulté. Il serait même venu en France et en Allemagne. Mais attendez. Quand même, ce passeport diplomatique, sous quel prétexte ? Précisément, ça je ne le sais pas. Cependant, il est certain que Barbie a très vite fait son chemin et approché quelques-unes des plus hautes personnalités du pays. Il va créer de nombreuses entreprises. Quelle nature ? Par exemple, il est à l'origine de la naissance de l'unique compagnie maritime bolivienne, dont la moitié du capital est possédée par l'État, l'autre lui appartenant. Il est également le représentant d'une société allemande de fabrication d'armes. Et à ce titre, il jouera un grand rôle dans les achats militaires de la Bolivie, mais aussi dans l'équipement de ses amis nazis. Alors, c'est donc très vite un citoyen en vue. Oui. Alors, voyons la situation politique de la Bolivie dans les années qui suivent l'arrivée de Barbie. Une situation extrêmement chaotique, comme dans beaucoup d'autres pays de la région. En 1951, les élections sont remportées par la gauche progressiste, mais l'armée ne tarde pas à s'emparer du pouvoir. Cela provoque aussitôt d'importantes manifestations populaires. Résultat, l'armée doit renoncer. Et les progressistes reprennent leur place ? Oui, mais ils vont procéder à d'importantes réformes sociales, tant sur le plan agraire qu'industriel. Les mines d'étain, par exemple, qui se trouvaient dans les mains de quelques puissantes familles, dont les célèbres Patinos, sont nationalisées. Oui. Bon, toutefois, ce gouvernement est peu à peu miné de l'intérieur. La crise économique menace. Et les militaires recommencent à s'agiter. Et à cette époque, c'est-à-dire au début des années 60, Barbie a déjà approché ses généraux qui rêvent de prendre leur revanche. Ils préparent un putsch ? Bien sûr. J'allais dire que ces généraux sud-américains étaient alors presque naturellement des putschistes nés. Non, je plaisante. Les généraux qui nous intéressent, en l'occurrence, s'appellent Barrientos et Ovando. Et tous deux, comme par hasard, sont très proches de la CIA. Ah ben, ça ne peut pas déplaire, ça, Barbie et Altman. Mais d'autant que je vous l'ai dit que je demeure persuadé que l'ancien nazi est certainement resté très proche des services américains. Même si, pendant quelque temps, il s'est mis au vert. Enfin, on ne rompt pas avec un agent de la carrière de Barbie. Un homme qui peut rendre d'éminents services dans cette Amérique du Sud, toujours bouillonnante et travaillée par de nombreux ferments révolutionnaires marxistes. Ces services qu'il peut rendre éventuellement, c'est ce qu'il a appris en France occupée. Exactement. Ces méthodes si particulières d'interrogatoire. Oui, attendez, mais là vous avez des preuves ou vous livrez-vous à de simples supputations ? Écoutez, dans ce genre d'affaires, les preuves sont rares. Et puis, tenez, voulez-vous le fond de ma pensée ? Ah, mais oui, volontiers, je vous écoute là. Eh bien, il est très probable que Barbie, en Bolivie, n'a pas eu de contact direct avec les hommes de la CIA, mais avec des officines qui étaient des faux-nés de l'agence. Mais enfin, peu importe, seul le résultat compte. Oui, alors le résultat, justement ? Barrientos et l'autre général réussissent leur coup d'État. C'est quand ça ? En 1964. Et Barbie est aussitôt engagé comme conseiller d'une section de l'armée chargée de la lutte contre la guérilla. Ça me semble assez clair, non ? En effet, oui. Et en plus, on lui installe un bureau dans le service de contre-espionnage. Ça veut bien dire que les militaires boliviens le tiennent en haute considération. Oui. Je vais vous reposer la question, là, déjà prononcée à propos des employeurs américains de Barbie. Est-ce que les généraux boliviens, eux, connaissent son passé ? Oh, c'est certain. Ils n'ignorent pas qu'il a appartenu à la Gestapo. C'est d'ailleurs de sa qualité d'expert que vient une partie de son prestige. Ça et le fait qu'il a été un agent zélé des services américains. Barrientos et les putschistes savent en outre que Barbie dispose de nombreux relais en Amérique du Sud. Mais c'est-à-dire ses amis nazis. Et dès cette époque, il se constitue une sorte d'ébauche de ce qui deviendra un peu plus tard le plan Condor. C'est-à-dire une alliance secrète des dictatures destinées à liquider les guérilleros sud-américains. Et ce sont ces anciens nazis présents un peu partout en Amérique latine qui vont en quelque sorte coordonner cette lutte anticommuniste. En Bolivie, sous l'égide de Barbie donc. Et Barbie qui noue aussi des contacts avec le dictateur paraguayen Stroessner. Et en Argentine aussi, où l'ancien as de la Luftwaffe, Hans Rudel, est conseiller de Juan Perón. Et puis on trouve aussi, au milieu de tout ce beau monde, le fameux Otto Skorzeny. Ah oui, l'homme des commandos d'Hitler. Et n'oubliez pas qu'au Chili se trouve, dès le début des années 60, le mystérieux docteur Paul Schaeffer et sa Colonia Dignidad, repère de nazis et de tensionnaires. Oui, nous en avons parlé la saison dernière. En tout cas, l'enrôlement de Barbie signifie qu'il existe une guérilla en Bolivie. Comme dans beaucoup d'autres pays d'Amérique du Sud. Et en Bolivie, elle est d'autant plus active qu'elle est soutenue et financée par le puissant syndicat des mineurs. Pour lutter contre cette guérilla, la Gent, sous la pression des Américains, crée une unité de Rangers. Barbie joue un rôle dans cette création là de... Alors là, je ne sais pas. Enfin, il surveille tout ça de très près. Il se déplace sur le terrain. C'est ainsi qu'il obtient le limogeage d'un colonel jugé trop mou. Et il le fait remplacer par un de ses amis. Ouais, nouvelle preuve de son influence. Hein. Incontestablement. Et en 1967, il prend une part active dans les exactions commises contre les mineurs et leurs familles. Leurs campements sont encerclés, hommes, femmes, enfants, vieillards sont massacrés et les survivants sont expédiés dans des camps de concentration situés dans les régions les plus inhospitalières du pays. Ça rappelle des choses, n'est-ce hein pas? Barbie Hatman n'est pas non plus étranger à la capture de Régis Debray et à l'assassinat un peu plus tard d'Ernesto Guevara. Le Che. Mais en cette même année, 1967, une première alerte menace Barbie. En regardant une émission de télévision, un sénateur américain a cru reconnaître le criminel de guerre. Il interroge son gouvernement sur les aides dont aurait pu bénéficier Barbie. Réponse de la CIA, nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis 1951. Mensonge. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, et après la mort de son protecteur Barrientos dans un accident d'hélicoptère, Barbie juge plus prudent de disparaître et s'installe au Pérou. Mais il revient en Bolivie en 1971 pour aider un autre général, Hugo Banzer, à renverser le gouvernement de gauche. En témoignage de remerciement, le nouveau dictateur le nomme lieutenant-colonel honoraire. Et peu après, Klaus Barbie, qui dispose maintenant d'une carte officielle des services spéciaux, crée une véritable petite armée. Une armée, c'est-à-dire son armée? Oui, un rassemblement de 2000 types d'extrême droite où on retrouve des néo-fascistes venus du monde entier et principalement d'Italie, où certains d'entre eux ont été mêlés à la vague d'attentats qui a secoué la péninsule. Ces fiancés de la mort, comme on les appelle, secondent l'armée officielle, mais s'occupent aussi activement de trafic de drogue. En fait, c'est un véritable escadron de la mort qui sème la terreur en Bolivie. Et continue à lutter contre les communistes. Bien entendu. En 1981, cette armée de canailles s'attaque à un rassemblement de militants de gauche et perpétue un véritable massacre. Les fiancés de la mort exécutent aussi des assassinats ciblés d'opposants à la dictature. Toutefois, le sol bolivien va commencer à devenir de plus en plus brûlant pour Barbie. Pourquoi ? D'abord, la démocratie est rétablie en 1982. Ensuite, la traque du boucher de Lyon a pris une nouvelle dimension. Enfin, je résume. Dès 1972, le couple Klarsfeld... C'est les chasseurs de nazis. C'est ça. Les Klarsfeld ont repéré le criminel et établi que Klaus Hatman et Klaus Barbie n'étaient qu'un seul et même homme. Un de vos confrères, qui a travaillé à France Inter, Ladislas de Hoyo, l'a même confondu en réalisant une interview piégée. La France demande l'extradition. Mais les autorités boliviennes n'entendent pas se séparer de leurs conseillers en répression. Alors les Klarsfeld envisagent de l'enlever. Ah oui, comme l'a été Eichmann. Oui, et ils sont aidés par quelques militants boliviens réfugiés au Chili. Mais le coup d'état de Pinochet ruine cette tentative. Et il faut attendre la fin de la dictature bolivienne pour qu'enfin les événements s'accélèrent. Gustavo Sanchez, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement bolivien démocratique qui a succédé à la dictature, a eu un rôle essentiel dans la réussite de la procédure d'extradition de Barbie vers la France. Dans un livre, « Comment j'ai piégé Klaus Barbie », il donne de nombreux détails sur l'activité criminelle des fiancés de la mort qui étaient étroitement liés aux parrains de la drogue. J'en extrais simplement ce court passage. Donc Klaus contrôlait aussi d'autres groupes néo-nazis qui apparurent en Bolivie à cette époque. Les terroristes exécutaient les plans de leur chef sans reculer devant l'assassinat de sang-froid, le travail politique, la campagne de presse, l'infiltration des partis politiques, des organisations ouvrières ou religieuses, les activités du corps diplomatique, tout ce qui avait à voir avec la vie même de la nation était contrôlé par des malfaiteurs aux ordres de l'ex-chef de la Gestapo de Lyon. Les militaires argentins qui participèrent à la préparation des cadres paramilitaires en Bolivie ne doutèrent pas un seul moment du succès de leur mission. Ils s'occupèrent patiemment de former les groupes de répression qui participèrent au coup d'État de 1980, portant García Meza au pouvoir. Les Argentins prétendaient utiliser la Bolivie comme arrière-cour pour leur machination. Ce serait, pensaient-ils, un bon champ d'expérimentation pour instaurer la politique du néo-fascisme dans le continent latino-américain. C'est dans ce contexte que brillèrent les conseillers nazis, ex-soldats de la Gestapo, criminels qui commirent tout type d'atrocités dans les pays occupés d'Europe. Pour tous ces gens qui traquaient Barbie depuis si longtemps et désiraient qu'il réponde de ses crimes en France même, la fin de la dictature en Bolivie était bien bénie. Et effectivement, tout est allé très vite. Mais parce que d'un seul coup, Barbie n'avait plus de protecteur. Bien entendu. En janvier 1983, le criminel est envoyé en prison. Pour quel motif alors ? Usurpation d'identité, non-paiement d'une amende qui lui a été infligée à la suite de la faillite de l'une de ses sociétés. Aussitôt, le gouvernement bolivien se met en relation avec son homologue français. Et quelques jours plus tard, Barbie est embarqué dans un avion à destination de la Guyane française. Et là, il est remis aux autorités françaises, forcément. Oui, oui, oui, et il est immédiatement envoyé en métropole où il est enfermé à la prison Montluc de Lyon, là même où, 40 ans plus tôt, il a torturé des résistants. Bien sûr, cette procédure expéditive n'était peut-être pas très légale. Ouais, parce que ça ressemblait plus à un kidnapping qu'à une véritable extradition, c'est ça? Ouais, mais enfin, peu importait. Barbie lui-même ne s'était jamais embarrassé de respecter la loi tout au long de sa longue existence de criminel. Immédiatement, bien sûr, dès son arrivée chez nous, on se dit qu'on va enfin apprendre la vérité sur la trahison dont a été victime Jean Moulin. Oui, car il est évident que Barbie connaît la vérité. Hein. Et son avocat, le célèbre Jacques Vergès, fait tout de suite des déclarations fracassantes en annonçant que son client était décidé à tout dire. Ouais, on va voir ce qu'on va voir. Et Vergès promet des révélations embarrassantes pour quelques héros de la résistance. Alors, Avant d'aller plus loin, je vous propose de revenir brièvement sur cette tragique affaire de Calvi. Oui, c'est-à-dire l'arrestation de Jean Moulin et de quelques autres grands chefs de la résistance. Oui, oui, oui. En fait, vous le savez forcément, tout tourne autour de l'attitude de René Hardy. Mais Hardy qui a été accusé d'avoir trahi Moulin. Oui, mais qui a bénéficié de deux acquittements. Oui. Enfin, élargissons encore un peu. En 1942, Jean Moulin est parachuté en France. Le général de Gaulle lui a confié la mission de créer une armée secrète et d'unifier les mouvements de résistance. Ce qui ne va pas sans tiraillement. Combat, en particulier, Renacle. Combat, c'est le mouvement créé par Henri Freinet. Hein. Un mouvement qui a longtemps gardé des contacts avec certains hommes de Vichy et qui ne désespère pas de voir un jour le maréchal Pétain retourner sa veste. C'est-à-dire hein. Et rompre avec la politique de collaboration. Oui, j'ajoute que Combat sera aussi plus enclin à soutenir le général Giraud. Contre de Gaulle. Oui, comme Roosevelt, d'ailleurs. La mission de Moulin est donc capitale, mais aussi très délicate, car il s'agit de faire en sorte que la résistance tout entière se rassemble derrière le chef de la France libre. Oui, parce qu'il en va de la légitimité du général vis-à-vis de nos alliés. Bien entendu. Mais Freinet, qui a accepté de mauvaise grâce les injonctions de Moulin, essaie toujours d'échapper à sa tutelle, en particulier en tentant d'obtenir via la Suisse un soutien financier des Américains. C'est-à-dire l'OSS d'Alan Dulles. C'est ça, oui. L'apprenant, Jean Moulin entre dans une violente colère. Si un mouvement de résistance accepte d'être financé par les Américains, cela voudra dire qu'il passera aussitôt sous le contrôle des services spéciaux de Washington. Et ça, de Gaulle n'en veut sous aucun prétexte. Évidemment, cette querelle prend de grandes proportions. Enfin, je vous passe les détails, mais ça a vraiment bardé. Finalement, ce sont de Gaulle et Moulin qui gagnent, et en mai 1943, le Conseil national de la résistance est créé. Sous la présidence de Jean Moulin, d'ailleurs. Exactement. Ce conflit ne peut pas ne pas avoir laissé de traces, d'autant que le bras de fer continue entre les partisans de Freinet et Jean Moulin. Ça va susciter toute une série d'interrogations lorsque Jean Moulin sera arrêté dans la maison du docteur Dugoujon à Caluire. Des soupçons. Oui, d'autant qu'autour de Freinet se trouvent des hommes de droite, sinon d'extrême droite. Qui? Par exemple, Guylaine Bénouville. Ces gens qui sont très hostiles à Jean Moulin et qui, lui, se situent clairement à gauche. Ouais. On a même prétendu qu'il était assez proche des communistes. Hein. Écoutez, je vous ai déjà dit ce que je pensais de cette calomnie. En juin 1943, un résistant du mouvement Combat, nommé chef du réseau Sabotage Fer par Freinet et Bénouville, est arrêté par la Gestapo dans un train qui roule vers Paris. Mais c'est René Hardy, non ? Oui, et c'est là où nous retrouvons Barbie. Car c'est le chef de la Gestapo de Lyon qui procède lui-même à son interrogatoire et lui met un marché en main. La liberté contre la promesse de travailler désormais pour lui. Et la réponse de Hardy ? Selon les déclarations de Barbie, Hardy n'aurait pas donné tout de suite sa réponse. Oui, mais... Il a quand même été relâché. Oui, tout en restant sous surveillance des hommes de la Gestapo. Et en contact avec Barbie ? C'est vraisemblable. Alors, ici se posent de graves questions. Dans un premier temps, Hardy cache à ses amis résistants qu'il a été appréhendé par la Gestapo. Mais il se confie ensuite à Bénouville. C'est certain, ça ? Non. Bénouville admettra au moins à deux reprises qu'il a eu connaissance de l'arrestation de Hardy. Mais à deux reprises également, il niera. C'est un point capital. Car s'il a vraiment su que Hardy avait été aux mains de la Gestapo, il aurait dû non seulement le faire savoir aux autres résistants, mais il n'aurait pas dû accepter que Hardy vienne au rendez-vous de Caluire. Ouais, de craindre qu'il ait été filé par la Gestapo. Naturellement. Ouais. Or, Benouil n'a pas fait. Apparemment pas. À moins qu'il n'ait pas été au courant, comme il l'a affirmé deux fois. Alors, se pose l'autre question, et la plus troublante. Freinet était très opposé à la tenue de la réunion de Caluire qui devait en quelque sorte concrétiser la mainmise de Jean Moulin sur les mouvements de résistance et l'armée secrète dont le chef, le général de Lestrin, venait d'être lui aussi arrêté à la suite d'une trahison. Il fallait le remplacer. Et Moulin ne veut pas du candidat proposé par Freinet. Encore une source de conflit. Oui, à propos de la réunion de Caluire, Freinet a même déclaré « Caluire, c'était un vrai hold-up de Jean Moulin pour mettre la main sur l'armée secrète ». Propos excessivement violent. Hein, ouais. Oui, effectivement, excessivement. Alors, en tenant compte de tous ces faits, certains n'ont pas hésité à affirmer que Jean Moulin a été victime d'une guerre interne qui opposait entre eux les mouvements de résistance. Et selon eux, Barbie aurait passé un pacte avec Hardy. Vous êtes libre à condition de nous donner Max. Max, c'est-à-dire Jean Moulin. Jean Moulin qui aurait été trahi par les siens, c'est ça ? C'est juste une hypothèse et en aucun cas une accusation. Toutefois, et ce n'est nullement une preuve, il faut remarquer que lors de son deuxième procès, l'un des principaux arguments des défenseurs de René Hardy a consisté à dire que l'accusé n'avait trahi aucun membre de son réseau. De son réseau ? Oui. Mmh. Encore plus troublante, en revanche, c'est l'attitude des autorités françaises après-guerre. Certes, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la justice française a demandé à récupérer Barbie. Oui, ce que ses employeurs américains refusaient. En effet. Et les enquêteurs français ont simplement obtenu de pouvoir interroger Barbie. Barbie, qui se sentant protégée, pouvait raconter n'importe quoi. Enfin, si vous voulez mon avis, les autorités françaises n'ont pas manifesté une conviction très très solide dans leur volonté de faire revenir Barbie en France. Et la complication des dédales administratifs et juridiques qu'il fallait nécessairement parcourir n'explique quand même pas tout. Alors que craignait-on ? Un grand déballage. Des révélations qui auraient peut-être mis en cause beaucoup de monde. Par exemple, alors ? Des gens qui arboraient fièrement leur passé de résistant, mais qui auraient pu soudain être accusés par Barbie d'avoir collaboré. Autre preuve de ce manque d'entrain des Français. En 1963, par exemple, la sécurité militaire française localise Barbie en Bolivie. L'information est transmise au SDEC, notre service de renseignement. À charge pour nos agents d'essayer de récupérer Barbie. Bien sûr. Mais les Israéliens n'ont pas procédé autrement avec Eichmann. C'est vrai. Mais curieusement, cette précieuse information ne sera pas exploitée. Et pourquoi alors hein? Je ne peux que vous donner la réponse que je vous ai fournie précédemment. Mais lors de son procès, Klaus Barbie n'a pas fait de révélation, alors même que son avocat avait promis ça. Mais vous avez une explication ? À mon avis, il y a des secrets qui doivent dormir, Monsieur Penaud. Des amis de Barbie, ceux, par exemple, qui ont payé sa défense, sont peut-être parvenus à le convaincre qu'il valait mieux se taire. Cependant, encore une fois, ça n'est qu'une hypothèse.